Voile. Hijab. L'islam vise à protéger les femmes des abus et des regards pleins de désirs des hommes. Il commande donc aux femmes de se montrer pudiques en portant le voile qui couvre le corps entier. Allah le Très-Haut dit: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener un pan de leur voile sur elles. C'est le meilleur moyen pour elles de se faire connaître et d'éviter d'être offensé. Verset 59 de la sourate Al-Ahzab. Et il dit aussi: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Afin de ne faire paraître de leur charme que ceux qui ne peuvent être cachés. Sourate La Lumière, verset 31. Une femme musulmane porte le voile pour la simple raison qu'Allah le Très-Haut lui commande de le faire dans le Coran et parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le lui a aussi ordonné. Certainement, porter le voile est un acte d'obéissance à Allah et un signe de pureté, de modestie, de vertu et de foi. Le voile doit remplir les conditions suivantes. Premièrement, il doit couvrir le corps entier. Deuxièmement, il ne doit pas être moulant ou transparent. Troisièmement, il doit être large afin que la forme du corps ne soit pas révélée. Quatrièmement, il ne doit pas ressembler aux habits des hommes. Cinquièmement, il ne doit pas avoir d'embellissement ou de parure qui peuvent attirer l'attention des hommes. Sixièmement, il ne doit pas être conçu de telle sorte qu'il ressemble aux habits des femmes non musulmanes. Porter le voile n'est pas une coutume, mais plutôt une forme d'obéissance à Allah qui sait ce qui est le mieux pour ses serviteurs. Certaines femmes, dans certaines contrées du monde, qui ne savent pas que le voile est un commandement divin, ne le portent pas. D'autres croient que c'est une pratique traditionnelle et un fardeau social, donc elles ne le portent pas non plus. D'autres encore le portent lorsqu'elles sont dans leur propre pays, mais une fois à l'étranger, elles l'ôtent. La femme en islam est comme une pierre précieuse qui a besoin d'attention et de protection. Le hijab, sans aucun doute, est un moyen efficace de la protéger et la préserver. En réalité, le voile vise à sauvegarder sa dignité. Une femme musulmane qui porte le voile est une femme respectable, respectée et décente. Elle aura certainement une grande récompense dans l'au-delà.